Lettre 40e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, mars 302. Les espérances de paix sont dissipées, et la guerre va recommencer avec fureur. L'armée a reçu l'ordre de se mettre en marche, et je vais avec Tiridate me ranger sous le drapeau de Galerius. Les préparatifs ont été faits avec autant de sagesse qu'ils ont coûté de sacrifices. Galerius a un pouvoir absolu. Il faut donc espérer que cette année relèvera la gloire de nos armes. Nous allons sur les bords de l'Euphrate. C'est là que se porteront les premiers coups. Cette fois-ci, ce n'est pas le devoir seul qui m'entraîne, c'est aussi l'espérance que les occupations et la fatigue apporteront quelques diversions à mes peines. La solitude et l'oisiveté ne conviennent pas à un cœur abattu sous le poids de l'affliction. J'ai fait ces jours-ci la connaissance d'un homme extrêmement intéressant, Apelles, ayant reçu de ses supérieurs l'ordre de retourner à Pamée, m'introduisit avant son départ dans la maison d'Eutychus, évêque de Nicomédie, qui réunit l'usage du monde et la connaissance des hommes à toute la dignité de la place qu'il occupe. Je devinais le motif d'Apelles. Il voulait que Eutychus achevât l'ouvrage qu'il avait commencé. L'opinion publique, et celle d'Apelles surtout, sont en sa faveur et décident la mienne. La seconde fois que je fus chez lui, j'y trouvais un jeune homme à peu près de mon âge. Sa figure est grande et belle, une volonté prononcée. Même quelque chose de dur me parut exprimé dans ses traits et sur ses lèvres minces et entièrement fermées. Cependant, ses grands yeux et son regard ont quelque chose de noble et de sensible tout à la fois, qui adoucit extrêmement la beauté mâle et le sérieux de sa physionomie. Tout l'ensemble de sa personne me frappa. « C'est Constantin, le fils de César Constance, » me dit l'évêque en me présentant et en me nommant à lui. Il ajouta à mon nom quelques particularités de ma vie. Un regard scrutateur, sans être dénué d'intérêt, semblait vouloir pénétrer jusqu'au fond de mon âme. Il me fit ensuite un accueil très obligeant. L'évêque ayant été appelé, Constantin et moi nous restâmes seuls. Il parla peu, mais bien. Tu sais que je ne suis jamais fort causant, et moi encore avec ceux qui sont au-dessus de moi par leur naissance. Mais le peu de paroles qui se prononcèrent suffirent pour nous inspirer une estime réciproque et nous faire désirer une connaissance plus particulière. Lorsque l'évêque rentra, il nous trouva dans une conversation intéressante pour tous les hommes, celle de la croyance d'une autre vie. Constantin y déploya beaucoup d'éloquence. Elle détruisit l'impression de ses traits. On n'y voyait plus de dureté, mais seulement de la fermeté et une persuasion intime. Sa physionomie ne trompe pas, mais son entretien promet davantage. Nous nous sommes vus depuis lors très souvent, et nous nous verrons encore plus. Il a été confié par son père à Galerius, et nous ferons la campagne ensemble. Cette circonstance augmente ma joie de quitter Nicomédie, ma vie oisive et ses tristes résultats. Avec mon cœur si profondément blessé, je vis avec les hommes d'une manière trop étrangère. Eux ne voient dans ma douleur que de l'exaltation. Ils ne comprennent pas qu'au bout d'une année tous les regrets ne soient pas effacés. Des êtres charmants, mais légers par essence, croient qu'il suffit d'un regard pour faire tout oublier. Cette prétention m'afflige et me pèse, moi qui ne prétends rien. Elle me rend difficile et pénible, la société que j'aurais recherchée, et où j'aurais pu peut-être trouver quelques distractions agréables. Pourquoi les heureux savent-ils si peu deviner les besoins de ceux qui souffrent? Ils n'aiment que ce qui est gai, léger et facile comme eux. Ils ont grand soin de fuir ceux qui pourraient en altérer leur bonheur ou même leur gaieté. Ou si ce qu'ils appellent de l'amitié les retient, ils veulent forcer le malheureux à partager leur joie. Et s'il persiste dans sa mélancolie, ils le fuient comme un être qui leur est antipathique, et traite de folie cette profonde tristesse qu'ils ne comprennent pas. Je sens, Phocion, que je serai plus à mon aise quand j'aurai quitté cette ville frivole pour courir avec mes deux amis, Tiridate et Constantin, au jeu plus sérieux de Bellone. Adieu, porte-toi bien, toi le plus cher de mes amis. Ne m'oublie pas dans les moments orageux qui m'attendent et qui rendront mes lettres et plus courtes et plus rares.